الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 10 dans le chapitre Kitab al-Nikah du livre du Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى, qui s'intitule Al-Mulakhas al-Fiqhi. Et le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est As-Sadaq. Hein? Le chapitre, c'est باب في الصداق في النكاح في الصداق في النكاح. Donc الصداق, il y a plusieurs mots pour le définir. Donc pour commencer, لغةً هو مأخوذ من الصدق يعني خلاف الكذب. Donc الصداق, ça vient du mot صدق qui veut dire la vérité, la véracité, la sincérité. C'est le contraire du mensonge. Donc ça vient de ça. Et shara'an, selon la définition sur le plan de la sharia, c'est al-mal alladhi wajaba 'ala az-zawj daf'uhu li zawjatihi bi sabab 'aqd an-nikah. Donc c'est une somme d'argent ou un bien quelconque qui est obligatoire pour l'époux de donner à son épouse à cause du contrat de mariage. C'est ça la définition des fuqaha de as-sadaq. Et le terme as-sadaq, il a des synonymes aussi. Summi as-sadaq sadaqan li ish'arihi bi sidq raghbati badilihi fi an-nikah. Donc on l'appelle sadaq pourquoi? Pour montrer la sincérité de la personne qui le donne, d'entrer dans ce contrat de mariage. Et on l'appelle également al-mahr. On l'appelle également al-mahr, yani al-mahru. On l'appelle aussi al-nihla, al-nihla, comme c'est mentionné dans le Coran. Yani saduqatihin nihla. Donc nihla, c'est un synonyme aussi du mot sadaq, et aussi al-uqru, al-uqru. Donc ça c'est pour ce qui est de la définition. Donc c'est ça, ma'khoudh min as-sidq li'annahu yush'iru bi raghbati az-zawj fi zawjatihi wa huwa 'iwad. C'est comme un genre de compensation, et on le mentionne dans le contrat de mariage ou bien après le contrat de mariage. Donc le mahar, il doit être mentionné au moment du contrat de mariage ou bien après, et on va expliquer les règles à propos de cette question là. أما حكمه فهو واجب ودليله الكتاب والسنة والإجماع. Donc le verdict à propos de as-sadaq, c'est que c'est obligatoire, et la preuve que c'est obligatoire, elle est établie par le Coran, par la sunna et par l'ijma, c'est-à-dire le consensus des ulama. Et il mentionne comme preuve du Coran le verset 4 dans sourate An-Nisa, وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Donc ça c'est le verset 4 dans sourate An-Nisa à propos de yani l'obligation du mahr. Donc, on va lire la traduction de ce verset-là. Naam. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « et donner aux épouses leur sadaq, leur mahr, de bonne grâce. Hein? Si de bon gré, elle vous en abandonne quelque chose, c'est-à-dire si la femme, hein, tu lui as donné son mahr et elle décide de t'en donner une part ou de dire bon, finalement je t'as pas besoin de me donner tout, donne-moi juste une partie, hein, ça c'est elle, si elle le fait de bon gré, alors c'est permis d'en prendre une part, de prendre qu'est-ce qu'elle laisse. Il y en a ici, de bon gré elle vous en abandonne quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. D'accord, donc ça c'est le verset que le cheikh a cité. Et il dit وَلِفِعْلِهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ فَلَمْ يَكُنْ يُخَلِّ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقِ وَقَالُوا إِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدِ. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait lui-même. Il a donné un sadaq, il a donné un mahr quand il s'est marié, et il ne laissait jamais un mariage sans qu'il y ait dedans un mahr, un sadaq. Et il dit même à un des compagnons, il tamis walaw khatiman min hadid, il cherche même s'il faut une bague en métal, hein, en fer, s'il faut. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Sahl ibn Sa'd. Et c'est dans ce hadith-là que c'est lorsqu'une femme était venue pour se présenter au messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour s'offrir à lui en mariage. Et lui, il a désisté, comme il a dit, non, je suis pas intéressé. Donc le compagnon qui était avec lui, il s'est offert comme si pour la marier. Il a dit, ô messager d'Allah, si toi tu désires pas te marier avec elle, alors moi j'aimerais bien me marier avec elle. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que tu as quelque chose à lui donner? Hein? Il a dit, cherche n'importe quoi, même une bague en fer, s'il faut. Et certains pensent que par rapport à ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherchez même une bague en fer, que c'est une sunna de porter une bague par rapport au mariage. Alors que ça n'a aucun rapport. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de ramener ça comme mahr, et non pas parce que ça fait partie de la sunna de porter une bague de mariage. Il n'y a pas de bague de mariage en islam. D'accord? Et donc ceux qui veulent absolument porter une bague pour dire qu'ils sont mariés, ça vient des chrétiens en réalité. Ça, c'est une imitation des chrétiens, ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que les chrétiens, pour eux, le jonc qu'ils portent, ça représente une alliance. Et c'est même qu'ils l'appellent l'alliance. Et ils la portent sur le comment on appelle? Non, c'est pas l'annulaire. Oui, l'annulaire. C'est l'annulaire parce qu'ils portent l'anneau. Hein? Ils l'appellent l'annulaire parce qu'ils portent l'anneau. Et ça, c'est dans leur croyance, yani. Ça n'a rien à voir avec notre religion à nous. Donc, il n'y a pas de bague de mariage, et de porter une bague dans l'idée que ça vient, hein, du fait qu'on est marié, ça rentre dans les innovations dans ce cas-là. Ça rentre dans l'imitation des koufars et ça rentre dans la bid'a. D'accord? Donc, il lui a dit, cherche une bague de fer. Il n'en a pas trouvé, même une bague de fer. Il a dit, j'ai mon izar, mais si je lui donne le mien, j'en aurai plus pour moi. Ça voudrait dire que si, quand je sors, hein, elle va, moi je dois le prendre, et elle pourra, elle aura rien apporté. Donc ça pouvait pas être mon izar. Et après il a dit, qu'est-ce que tu connais du Coran? Et il lui a dit, telle sourate. Il dit, dans ce cas-là, je te la marie pour qu'est-ce que tu possèdes comme verset dans le Coran. Donc ça prouve que c'est pas nécessaire que ce soit, quelque chose qui est nécessairement un bien matériel. Ça peut être aussi le fait d'enseigner à quelqu'un quelque chose, hein, ou quelque chose dans ce sens-là. D'accord? Et il dit, wa ajma'a ahlul ilm ala mashru'iyyatihi. Et les savants de l'islam ont tous été d'accord sur le fait que c'est quelque chose qui a été légiféré dans l'islam. D'accord? Amma miqdaruhu. En ce qui concerne la quantité, qu'est-ce qu'on peut donner comme mahr? Il dit, فلا يقتدر أقله ولا أكثره بحد معين. Il dit, en ce qui concerne la valeur du mahr ou la quantité du mahr, il n'y a pas de limite à ce que tu peux donner comme peu ou beaucoup. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux donner comme quelque chose, que ce soit peu ou beaucoup. Et il n'y a pas une valeur spécifique que tu dois donner. Et il dit, فَكُلُّ مَا صَحَّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً صَحَّ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا. Donc tout ce qui peut être un prix ou quelque chose qui a une valeur, eh bien, ou bien un salaire comme un salaire pour un travail ou quelque chose, alors ça peut être considéré comme un mahr. Et si vous vous souvenez de l'exemple de Moussa alayhi salam, quand il a épousé lorsqu'il s'est marié, il avait donné par exemple à son beau-père pour dire, bon, puisque je vais marier ta fille, je vais travailler pour toi pendant un nombre d'années. Hein, C'était ça qu'il a donné comme mahr. Bon, par rapport à ça, le cheikh il dit وَإِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرْ, donc peu importe que ce soit beaucoup ou peu, إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي الْإِقْتِدَى بِالنَّبِي صلى الله عليه وسلم. Hein? Il dit, mais il faut prendre l'exemple du prophète صلى الله عليه وسلم. Et il dit بِأَنْ يَكُونَ فِي حُدُودِ 400 دِرْهَمْ وَهِيَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, c'est mieux de prendre l'exemple du prophète صلى الله عليه وسلم, et lui, il a marié ses filles à peu près pour 400 dirhams. Donc 400 dirhams de l'époque. Qu'est-ce que ça équivaut aujourd'hui? Allahu a'lam, je pourrais pas vous dire maintenant. Mais si vous voulez, je pourrais essayer de trouver une réponse à ça. L'important de comprendre, c'est que il n'y a pas une limite spécifique ou un montant spécifique. Et parmi les versets qui parlent de ça dans le Coran, le verset 24 dans sourate An-Nisa, وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. D'accord. Donc par rapport à la signification de ce verset, il est mentionné comme exemple pour montrer que la seule chose que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de ça, c'est que les biens, vos biens sont mentionnés de façon générale et qu'il n'y a rien de spécifique à la valeur. Antabtaru bi amwalikum. Yani, c'est ça. Jouissez, puis jouissez. De même que vous jouissez d'un, donnez-leur leur mahr comme quelque chose dû. Antabtaru bi amwalikum, c'est ça. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens. Hein? Donc ça veut dire vos biens de façon générale. L'autre verset, il dit, c'est ça, voilà, khatiman bin hadid, et il n'y a pas de limite non plus un maximum. C'est-à-dire, il n'y a pas un maximum non plus. Et la preuve, c'est dans le verset 20, dans Suratul Nisa. Donc, ça aussi, c'est un verset que les ulama, ils mentionnent par rapport à ça. Il dit وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. C'est-à-dire, et si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous ayez donné à l'une d'elles un qintar, hein, une grosse quantité d'or, comme 1000 pièces d'or, hein, n'en reprenez rien. Hein? Quoi? Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste? Donc, les ulama ont dit, ça c'est l'exemple pour une grosse quantité d'argent et c'est la preuve que le mahr peut être un gros montant ou un petit. Il n'y a pas de limite. Sauf que, qu'est-ce qui est connu chez les ulama? C'est qu'ils mentionnent qu'il n'est pas bien d'exagérer trop dans le mahr, parce que ça rend le mariage difficile pour les gens. Et par conséquent, les gens risquent de tomber plus dans le péché parce qu'ils n'arrivent pas à se marier. Hein, parce que le mahr est trop élevé et ça devient difficile à cause de ça. Le cheikh il dit ensuite, Naam. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره. Donc Ibn Taymiyyah il dit, le mahr ou le sadaq que tu donnes, tu le donnes en avance, si, même si c'est beaucoup, hein, et que tu as la capacité de donner cette somme, donc c'est pas déconseillé. إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهة ونحو ذلك. Excepté s'il y a quelque chose qui est relié à ce fait-là, de donner une grosse somme dans le but d'éblouir les gens ou d'impressionner les gens. Tu dis, ah, j'ai donné telle somme de mahar. Dans ce cas-là, ça devient détestable dans ce cas-là. Il dit, amma in kana ajizan an dhalik kurih. Tandis que si la personne, elle est dans l'incapacité, hein, elle n'a pas les moyens, alors dans ce cas-là, c'est détestable. Hein. Bal يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة. Donc il dit que si la personne est incapable, donc c'est détestable pour elle dans ce cas-là de prendre ou bien de prendre cette responsabilité de payer une somme qui est trop exagérée pour lui. C'est si une femme elle dit j'accepte de me marier avec toi mais tu dois me donner 100 000 $ par exemple et toi t'en as pas, donc tu dis ok j'accepte mais tu vas comment tu vas faire pour le payer, si ton salaire te permet pas de ramasser cette somme là facilement, donc tu risques peut-être même de t'endetter à cause de ça. Tu vas aller emprunter à gauche, tu vas aller emprunter à droite, puis finalement, ça devient difficile. Donc, dans ce cas-là, ça devient détestable. Et il dit, même que ça peut devenir interdit, si tu peux pas rassembler le montant ou la somme, excepté en demandant, hein, ou bien même peut-être tu vas aller faire des choses haram pour obtenir l'argent. Peut-être que quelqu'un il va dire ah, je veux absolument marier cette femme, elle m'a demandé 100 000, yani, il va aller peut-être, je sais pas moi, voler ou bien faire d'autres choses, ça c'est haram, hein, dans ce cas-là. Il dit fa'amma in kathura wa huwa mu'akhkhar fi dhimmatihi fayanbaghi an yukrah lima fihi min ta'rid nafsihi li shughl al-dhimma intaha kalamuhu. Donc ça, tout ce que le cheikh il a mentionné, c'est lorsque le mahr est muqaddam, c'est-à-dire la femme elle a exigé que le mahr lui soit remis avant le mari, avant de pouvoir consommer le mariage. Alors dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'on a mentionné. Il dit toutefois si le mahr est muakhkhar, c'est-à-dire que on a un délai après le mariage pour le payer, ok, eh bien dans ce cas-là, c'est tout de même détestable, même si tu dis bon c'est une grosse somme mais j'ai un délai pour le payer, c'est tout de même détestable. Pourquoi? Parce que il va être obligé par la suite de travailler pour respecter cette dette là et puis de rembourser le mahr à sa femme, et ça risque d'être lourd sur lui. Donc ça c'est la fin de la citation des paroles de Ibn Taymiyyah sur ça. Après le cheikh Al-Fawzan il dit wal khulasatu anna kathratu as-sadaq la tukrah idha lam tablugh hadd al-mubaha wal israf. Donc si le mahr est une grosse quantité d'argent, c'est pas détestable en soi si c'est pas arrivé au point de vouloir éblouir les gens ou de tomber dans l'extravagance. Walam tuthqil kahil zawj. Donc ça devient pas quelque chose qui est trop lourd à porter pour l'époux. Bihaythu tahujuhu ila al-isti'anati bi ghayrihi an tariq al-mas'alati wa nahwiha. Donc du point jusqu'à faire en sorte qu'il est obligé de demander de l'aide des gens pour l'aider à payer ce mahr-là, oui, et de demander aux gens. Donc dans ce cas-là, ça c'est pas bon, comme on l'a dit. Donc il résume en fait ce qu'Ibn Taymiyyah a dit. وَلَمْ تُشْغَلْ ذِمَّتُهُ بِالدَّيْنِ وَهِيَ ضَوَابِطْ قَيِّمَةً تُكَفِّ الْمَصْلَحَ وَتَدْفَعَ الْمَضَرَّةَ. Donc il dit le cheikh, ça c'est des règles qui sont très bien et très bonnes à respecter pour obtenir tout le bienfait du mariage et pour repousser tout ce qui est nuisible. Donc c'est important de donner à la femme son mahr, mais en même temps il ne faut pas que ce soit exagéré, que le montant soit trop grand pour que ça devienne une difficulté. Et en même temps, ça ne veut pas dire non plus que c'est nécessaire de dire bon, ok, dans ce cas-là, donne-moi 10 $ ou quelque chose comme ça. Il y a des gens qui vont d'un extrême à l'autre, et c'est juste pour dire que des fois, pour certains, ça devient presque un manque de respect par rapport au mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a à notre époque, malheureusement, des gens qui se marient comme si c'était un jeu, le mariage. Ils prennent pas ça au sérieux du tout. Ils craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala dans le mariage. Donc, pour eux, ils ne réalisent pas le sérieux et la gravité de ce mariage-là. Donc ils vont se marier aujourd'hui. Hein? Puis il dit, bon, le mahar, moi je ne veux pas donner un gros mahar. Hein? Donc la femme, elle est naïve, elle est, elle est innocente. Et puis elle dit, bon, finalement, qu'est-ce qui compte, c'est la sincérité. Et puis elle dit, bon, moi je ne veux pas un gros mahar, donne-moi juste $500 ou quelque chose comme ça. Puis là après, l'homme il dit, ben, $500 c'est beaucoup, hein. Il veut négocier encore. Puis là, elle descend finalement, elle dit, OK, donne-moi $100, ça va aller. Il lui donne $100, il se marie avec elle. 2 semaines plus tard, ah, je te divorce. Il va en marier une autre et il recommence comme ça. Il y a des gens, à notre époque, c'est devenu comme ça, malheureusement. C'est pas tout le monde qui sont comme ça, mais il y a une catégorie de gens, malheureusement, c'est des crapules. Hein, c'est des gens sans honte, hein, sans gêne. Et ils jouent avec les femmes et ils se marient comme si c'était un jeu. Allah al-Musta'an. Donc, il faut faire attention à ça. Et il faut justement, à cause de ça, demander un montant qui va faire en sorte que la personne, elle va pas se permettre de jouer, hein, aussi facilement que ça. Elle va, et puis, de faire les choses correctement. Ensuite, le cheikh il explique, il dit: ويتبين من خلال ما سبق أن ما وصل إليه الناس في قضية المهور من المغالاة الباهظة التي لا يراعى فيها جانب الزوج الفقير والتي أصبحت صعبة المرتقى في طريق الزواج أن هذا المغالاة لا شك في كراهتها أو تحريمها. Donc, le cheikh, il parle de quelque chose ici. Il dit, par rapport à ce qu'on a mentionné, il dit, il faut tenir compte dans la question du mariage de pas exagérer trop dans le montant qu'on donne, et qu'on demande pour le mahar. Parce que si l'époux, il est pauvre, eh bien, ça devient difficile pour lui. Et le cheikh, il parle dans un contexte d'une société où le mahar, de façon traditionnelle, il est extrêmement élevé. D'accord? On parle donc dans une société où les gens ont l'habitude de demander un mahar extrêmement grand. Peut-être que le minimum du mahar qui est demandé dans ces sociétés-là, c'est en minimum $20,000. Ça, c'est le minimum. Et sans parler du maximum. Et la valeur de ce mahar, hein, il va être plus élevé en tenant compte de, par exemple, la famille de la fille, de sa tribu peut-être, de son statut social, de sa richesse, de sa noblesse, en tenant compte aussi de est-ce que c'est une fille qui est vierge ou non. Hein. Tout ça, c'est des facteurs qui vont faire que la famille, elles vont exiger un mahar plus grand encore. D'accord? Donc, tu peux pas espérer, dans certaines familles même, tu peux même pas effleurer l'idée d'aller demander la main de cette fille. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Parce que toi, tu ne fais pas partie, hein, de la classe sociale ou des catégories sociales qui sont capables même de se permettre d'épouser une fille de cette classe sociale-là ou de cette société-là. Donc, ça, c'est des choses qui existent dans les pays musulmans. Et donc, quelqu'un qui est pieux, un musulman qui craint Allah et qui veut préserver sa chasteté et qui veut se marier, et qui est dans d'une famille de ces gens-là, par exemple, mais qui est pas riche, hein, il n'y a pas de travail ou un bon travail qui paye beaucoup d'argent, puis il n'y a pas accumulé un grand bien, il n'y a pas reçu un héritage, il n'y a pas eu. Hein? Donc il ne peut pas vraiment facilement se marier dans des situations pareilles. Alors, les ulama, ils disent, écoutez, essayez de baisser un peu le montant du mahar, exagérez pas trop dans le mahar, ça devient trop difficile pour les jeunes, ils ne peuvent plus se marier et ainsi de suite. Ils tombent dans les péchés, dans toutes sortes de choses, et même parfois les filles aussi. Parce que à cause de ça, les filles, elles, elle reste célibataire très très longtemps, et pendant ce temps-là, yani, ça fait en sorte que la fille, elle tombe dans toutes sortes de péchés. Dans certains pays, quelqu'un peut même pas imaginer se marier avant arriver à peut-être 30 ans ou 35 ans, parce que yani, par rapport aux règles sociales qui ont été établies, quelqu'un qui a pas sa maison, qui a pas sa voiture, qui a pas son travail, qui a pas accumulé toutes sortes de biens, qui a pas meublé tout l'appartement, puis qui a pas tout ça, il peut pas même se présenter chez une famille pour dire je veux marier votre fille, parce que il va être automatiquement refusé. Hein? Ça c'est la réalité. Donc de faciliter les choses, parce que les gens ils ont pas cette mentalité là dans beaucoup de pays musulmans, les gens ils ont pas cette mentalité là non plus. Donc on a deux extrêmes. Dans les pays occidentaux, les gens ils ont l'idée, hein, ils ont pris ces explications des ulama qu'il faut faciliter le mariage, et les gens sont allés peut-être même à l'extrême dans ça. Ils ont voulu faciliter au point où le mariage devient même parfois, comme je disais, un jeu. Et dans l'autre côté, on a l'autre extrême, des gens qui ont rendu le mariage tellement lourd et tellement dispendieux et tellement compliqué que yani, les gens, à la fin, yani, parfois même certains des gens de ces pays-là, ils partent ailleurs pour se marier dans d'autres pays musulmans, parce que dans le pays où ils sont, ils n'arrivent pas à trouver une femme. Donc tout ça pour dire yani, que il faut être dans le juste milieu, ni dans un extrême ni dans l'autre, et tenir compte donc de la réalité des jeunes. Et c'est comme ça que les ulama ils disent, si vos jeunes ils veulent se marier, vos enfants, vos fils, hein, ou les gens de votre famille, vous avez l'argent, vous êtes capable de les aider, alors venez à leur aide pour leur faciliter ça, hein, et aider vos enfants à se marier, parce que ça c'est pour préserver leur chasteté et pour qu'ils puissent, hein, fonder des familles, et puis ça c'est important. Naam. Oui, si par exemple, toi t'as pas ton père, il dit, ou ton père ou ton oncle ou quelqu'un de ta famille qui a de l'argent, il dit toi si tu veux te marier, t'inquiète pas, je me charge de payer le mahar pour toi. Oui, ça c'est bien, ça c'est une sadaqa. Ça fait partie des bonnes actions que quelqu'un fasse ça. Hein? Ou bien si quelqu'un dit bon OK, toi t'as besoin d'argent, je sais que t'as pas beaucoup, bon écoute, je vais me charger de meubler ton appartement, tu vois. Donc je vais t'acheter, qu'est-ce que tu as de besoin, le réfrigérateur, le poêle, tu vois. Donc c'est-à-dire il y a toujours moyen de faciliter les choses ou d'aider les gens lorsqu'ils veulent se marier, parce qu'on sait qu'à notre époque les gens qui veulent se marier c'est devenu difficile. Faire le haram, faire le péché, ça c'est facile, hein, mais faire le halal c'est devenu compliqué. Hein, les gens mettent plein de barrières, plein de difficultés. Donc il faut, comme je dis, faire attention, mais en même temps, hein, être dans le juste milieu. Donc le cheikh il dit, ensuite il dit, وأن هذه المغالاة لا شك في كراهتها أو تحريمها خصوصا وأنه يكون إلى جانبها تكاليف أخرى من شراء الأقمشة الغالية الثمن والمصاغات الباهظة والحفلات والولائم المشتملة على الإسراف والتبذير وإهدار الأطعمة واللحوم في غير مصلحة تعود على الزوجين. Il dit, sans compter qu'il y a d'autres dépenses aussi reliées au mariage, des vêtements parfois, la robe de la mariée, toutes sortes de choses comme ça qui coûtent cher. Aussi la fête de mariage, la location de la salle. Yani, la nourriture qui est parfois excessive et qui est gaspillée, hein, que des gens fait préparer de la viande, toutes sortes de nourriture, puis à la fin on jette ça, hein, parce que les gens ont mangé un petit peu puis ils ont même pas terminé. Donc il y a aucun bienfait qui découle, hein, vers les époux dans ça en réalité. Il dit لا شك أن كل ذلك من الآثار والأغلال والتقاليد السيئة التي يجب محاربتها والقضاء عليها وتنقية طريق الزواج من عراقيلها. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas de doute que tout ça fait partie des carcans et des fardeaux qui ont été mis sur les gens. De plus que ça fait également partie des coutumes mauvaises. Et il dit c'est obligatoire de les combattre pour les enrayer et pour nettoyer le chemin du mariage de ces embûches. Hein. Il dit, il dit ensuite un hadith qui est important dans ce domaine-là par rapport au mahar. في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. C'est-à-dire les femmes qui ont qui dont la, la bénédiction est plus grande sont celles dont les, le mahr est, est le plus léger, hein, le plus léger. Donc si son mahr est léger, inshallah il y aura plus de baraka dedans. Hein. Parce que des fois, le fait que le mahr soit élevé, ça ramène par la suite des conflits dans la, la relation de mariage. Parce que le mari qui a payé une grosse somme d'argent pour donner en mahr à sa femme, c'est comme si par la suite, s'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, il risque de lui reprocher des, chaque chose, si elle n'agit pas correctement ou si elle ne fait pas quelque chose de bien. Hein, écoute, là, je t'ai donné un gros mahar. Hein? Ouais, peut-être même, peut-être il va même acheter. Puis en plus, qu'est-ce qui est grave là-dedans, c'est que parfois dans certains pays et dans certaines familles, c'est le père qui prend le mahar ou bien une partie du mahar pour lui. Hein? Alors qu'à la base, le mahar est uniquement pour la fille, pour la femme, et non pas pour son père ou ses frères ou je sais pas qui. Mais il y en a dans certains pays, quand la fille elle veut se marier, le père il dit, bon, si tu veux te marier avec ma fille, il faut que tu m'achètes une voiture, il faut que tu achètes une voiture à mon fils, hein, il faut que tu fasses ça, et tu dois acheter ça, tu dois acheter ça. Et donc ça devient comme un genre de vente, hein, c'est comme si l'homme il vend sa fille là, Allah al-Musta'an. Donc ça c'est des exemples de coutumes qui sont contraires à l'islam. Et dans certains pays ou dans certaines cultures, c'est le contraire. Hein? C'est la famille de la femme qui paye le mahar au mari pour qu'il se marie. En Europe, c'était comme ça. Hein? La dot, qu'est-ce qu'ils appelaient la dot? C'était la famille de la femme qui donnait la dot au mari, hein, pour la marier. Et plus la fille avait une dot élevée, ben plus elle avait de prétendants, puis plus des gens voulaient venir la marier. Hein. Et en Inde aussi, j'ai entendu que ça se passe comme ça, et que même parfois chez les musulmans, ils ont adopté ce système-là, alors que en principe, en islam, c'est le contraire. C'est la femme qui reçoit le mahr, non pas le contraire. Ensuite, le cheikh il dit... وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه وحتى يقول كلفت فيك علاق القربة أخرجه النسائي وأبو داود ومنه تعلم أن كثرة الصداق قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته حينما يتذكر ضخامة صداقها ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة كما في حديث عائشة. Donc c'est ça que le cheikh il dit justement. Omar ibn al-Khattab il a dit n'exagérez pas dans le mahr que vous donnez aux femmes. Il dit parce que si c'était un honneur dans la dunya ou une taqwa, hein, une protection par rapport à Allah, eh bien, celui qui aurait été disons porté à le faire et qui aurait mérité plus de le faire, ça aurait été le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourtant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas donné de sadaq à ses femmes ni à exiger de mahr pour ses filles plus que la somme de 12 uqiyah. Uqiyah, c'est de l'argent, des pièces d'argent. Donc 12 pièces d'argent, ça veut dire c'était pas une grosse somme d'argent, hein, c'était pas beaucoup. Et il dit que l'homme, lorsqu'il exagère, dans Omar ibn al-Khattab qui dit, si l'homme exagère dans le sadaq qu'il donne à sa femme, eh bien ça peut même l'amener à avoir de l'animosité dans son cœur contre sa femme, parce qu'il va dire j'ai dépensé beaucoup pour toi, hein. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça comme je disais tout à l'heure, il dit lorsque quelqu'un il a donné une grosse quantité d'argent pour mahr à sa femme, ça peut amener même le mari à détester sa femme lorsqu'il se rappelle la grosse somme qu'il a dépensée pour elle, hein. Et il dit c'est pour ça que les femmes qui sont une plus grande source de bénédiction sont celles dont le mahr était le plus léger, le plus simple. Et c'est mentionné dans le hadith de Aïcha qu'on a lu tout à l'heure. Il dit فتيسير الصداق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج. Donc quand le mahr est plus léger, eh bien ça amène plus de bénédictions chez la femme et ça sème dans le cœur de l'époux l'amour pour sa femme encore plus. والحكمة في مشروعية الصداق أن فيه معاوضة عن الاستمتاع وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها في حق الزوج. Il dit que une des sagesses pourquoi on donne le mahr, c'est comme une compensation pour la jouissance, hein, du mariage, et en même temps c'est pour établir un respect par rapport à la femme et un respect par rapport à son statut vis-à-vis de son mari. وتستحب تسميته, hein, تسميته الصداق وتحديد العقد, hein, وتستحب تسميته الصداق وتحديده في العقد لقطع النزاع ويجوز أن يسمى ويحدد بعد العقد. Il dit le cheikh que c'est recommandé de mentionner le sadaq, de le mentionner au moment du contrat de mariage et de le spécifier, de le délimiter au moment du contrat de mariage pour éviter les disputes par la suite. Parce que si quelqu'un par exemple dit ok, on fait le contrat de mariage puis on discutera par la suite de la somme ou du montant ou de la limite, hein, eh bien ça risque par la suite de créer des conflits. Donc c'est toujours mieux de le mentionner auparavant et de spécifier et de délimiter le montant. Le cheikh il cite un verset, il dit لقوله تعالى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تُفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً. Il dit فَدَلَّتِ الْآيَةَ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الصَّدَاقِ قَدْ تُؤَخَّرُ قَدْ يَتَأَخَّرُ عَنِ الْعَقْدِ. Le cheikh il cite ce verset qui est le verset 236 dans sourate Al-Baqarah, et c'est un verset en fait qui prouve le point qu'il mentionne par le contraire par son sens contraire. En fait il dit ici vous ne faites point, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie dans ce verset, vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées et à qui vous n'avez pas fixé leur mahar. Donc le cheikh dit ça, c'est la preuve que c'est permis que le mahar soit fixé après que le contrat ait été conclu. Naam. Il dit wa amma naw'iyatu as-sadaq fa kama yufhamu anna kull ma jaza an yakuna thamanan fi bay'in aw ujratan fi ijaratin wa qima وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا سواء كان عين أو دين معجل أو مؤجل أو منفعة معلومة وهذا مما يدل على أنه مطلوب تيسير الصداق وحسب الظروف والأحوال وتيسير الزواج الذي يتعلق به مصالح عظيمة للأفراد والمجتمعات. Donc, le cheikh, il dit, en ce qui concerne donc le sadaq, on a compris que ça peut être tout ce qui a de la valeur, tout ce qui peut être donné comme un prix, ou comme tout ce qui peut être vendu, tout ce qui peut être donné comme salaire, hein, tout ce qui a une valeur quelconque, que c'est permis à c'est permis que ce soit un mahr. Peu importe que ce soit un capital ou quelque chose, un bien qui est présent, ou une dette c'est-à-dire que le mahr va être comme une dette, hein, c'est-à-dire que la personne elle va lui donner son mahr, mais pas tout de suite, elle va lui donner plus tard, comme si parce que c'est permis que le mahr soit donné avant, si la femme l'exige, elle dit je veux que mon mahr soit donné avant le mariage. Et ça c'est toujours mieux pour éviter, comme on a dit, les conflits et les problèmes. Mais sinon, parfois on peut dire est-ce que je peux donner le mahr par plus tard, hein? Et dans ce cas-là c'est permis. Et elle va mentionner, ou c'est mieux de mentionner à quelle date elle veut que le mahr soit remis, pour éviter que ce soit flou, puis que ça reste, puis que par la suite on oublie peut-être même le mahr à la fin et qu'elle ne reçoit pas son droit, hein? Donc tout ça c'est des choses qui indiquent que c'est préférable à ce que le mahr soit quelque chose de plus facile, de plus léger, comme l'exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'homme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce que tu as une bague en fer, il a dit non. Est-ce que tu connais quelque chose du Coran? Donc c'est pour dire que c'est pas nécessaire que ce soit quelque chose qui a une valeur non plus. Ça peut être quelque chose que tu vas enseigner à la femme, et des choses de ce genre. Naam. Donc il dit وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَدْلُوبُ التَّيْسِيرُ. Naam. Selon les circonstances, selon les cas, et c'est dans le but de faciliter le mariage, hein. Il y avait un autre point que j'ai trouvé dans Fiqh al-Muyassar. Il y avait des petits détails qui avaient été mentionnés là-dedans. Ok. Il y a des points que ici qui sont mentionnés. Masalan al-hikmatu min ja'al al-sadaq biyad al-rajul. Ja'al al-islam al-sadaq ala al-zawj raghbatan minhu fi siyanat al-mar'a. من أن تقدمه مهرا للرجل، وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي في أن الرجل هو المكلف بواجبات النفقة دون المرأة. Donc il explique ici le cheikh par rapport au mahr, pourquoi c'est l'homme qui doit donner le mahr, comme on en a parlé tout à l'heure. Il dit que ça c'est pour montrer en même temps que en islam c'est l'homme qui est le responsable de la femme, et c'est lui qui doit s'occuper d'elle et qui doit veiller à ses besoins et qui doit dépenser pour elle. Donc ça indique le fait que c'est l'homme qui donne le mahar, ça indique ça. Naam, mulkiyatu sadaq. Donc ça on va en parler tout de suite là, dans quelques instants. Le cheikh dit fahadihi ba'd al-masa'il al-hamma allati tata'allaqu bis-sadaq. Donc le cheikh ensuite il mentionne sept points qui ont rapport avec le cadeau ou bien le mahr comme on l'appelle. Le premier point, as-sadaq mulkun lil-mar'a wa laysa li-waliha minhu shay illa idha samahat bihi lahu 'an tayyib nafs. Donc le mahr, hein, le premier point, c'est que le mahr ou le sadaq, c'est une propriété de la femme elle-même. Et son wali n'a aucune part ou aucun droit à quoi que ce soit de ce mahr-là. C'est à elle. Parce qu'il y a des pères qui disent, écoute, c'est moi qui t'a élevé, c'est moi qui a dépensé de l'argent pour toi et qui s'est occupé de toi tout depuis que t'es né. Donc, moi j'ai le droit de prendre une part de cet argent-là. Hein? Puis le hadith qui dit, Anta wa maluka li abik. Hein? Toi ainsi que tes biens, hein? Tu appartiens à ton père. Toi et tes biens. C'est ça le hadith. Mais ça, ça ne veut pas dire que tu peux prendre des biens de ton enfant injustement, hein, ou contre son gré. Sauf que s'il le fait, hein, c'est ton père, hein, il a le droit. Et, c'est-à-dire, il devrait pas le faire, mais s'il le fait, il y a pas grand chose qu'on peut faire dans ce cas-là, parce que c'est ton père, donc il a le droit de prendre. C'est-à-dire que s'il fait de l'injustice, oui, c'est un péché. D'accord? Mais, à la base, cet argent-là, c'est à la femme. Le mahar, c'est à la femme. Et l'injustice, c'est pas permis, que ce soit du père ou de l'enfant. C'est comme, par exemple, un ulama, il dit, si un père il tue son fils, il n'y a pas de had. Il va pas être exécuté pour avoir tué son fils. Il y aura peut-être une autre punition, mais il va pas être mis à mort. Ce sera pas la peine de mort parce qu'il a tué son fils, parce que son fils, c'est une partie de lui. Donc, c'est comme si il n'y a pas de peine de mort pour tuer son fils. Si un père tue son fils, il n'y a pas de peine de mort pour ça. Ça, c'est connu dans le fiqh. Sauf que, est-ce qu'il a le droit de tuer son fils? Non, il n'a pas le droit. C'est quand même un meurtre. Hein? Donc, ça ne veut pas dire qu'il prend l'argent injustement, qu'il a le droit de le faire. D'accord? Et il dit ici, le cheikh, que la femme, cet argent-là, c'est à elle, c'est pas à son wali. Si elle permet à son père de prendre quelque chose de bon gré, hein, de elle-même, elle décide, oui, je t'en donne, voici, prends la moitié, c'est à toi, ou bien prends une partie, ça me dérange pas. Dans ce cas-là, il peut le prendre, il n'y a pas de mal. Mais sinon, ça ne doit pas être systématique que le père, il prend le mahr de sa fille, ou il prend son... Il y en a des... Même d'après ce que j'ai entendu, des fois, même certains pères ou certains parents, même certains maris, ils disent à leur femme, oui, ok, tu peux aller travailler, puis, mais par contre, tu me donnes le salaire. Hein? Il laisse sa fille aller travailler, puis il prend son salaire. Il dit, ok, vas-y travailler, et puis il prend son salaire. Hein? Donc, c'est pour ça, tu vois, c'est des exemples d'injustice. Alors qu'à l'époque, les gens, ils disaient, non, je veux pas que ma fille travaille. Maintenant qu'ils ont vu que ça rapporte de l'argent, ils ont dit, ok, oui, allez travailler. Et puis, il prend le salaire. Hein? Parce que les gens, ils convoitent, hein, l'argent, maintenant. Donc, c'est ça. Et la même chose pour les femmes qui travaillent. Le mari dit, oh, moi, je veux... Avant, les maris disaient, non, je veux pas que ma femme travaille. Maintenant, ils ont vu que c'était payant et que les femmes ramassaient de l'argent, beaucoup. Donc, ils disent, ok, va travailler. Quand le chèque rentre, il prend, il met ça dans son compte de banque à lui. Hein? Donc, ça, c'est bizarre, hein, ce comportement-là. Mais c'est pour dire, si elle accepte de le donner d'elle-même de bon gré, dans ce cas-là, c'est permis. Et il dit, لِقَوْلِهِ تَعَلَى وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ. Donner à la femme leur sadaqat, hein, leur sadaq, ça veut dire c'est à elle. وَلِأَبِيهَا خَاصَّةً أَنْ يَأْخُذَ مِنْ صَدَاقِهَا وَلَوْ لَمْ تَأْذَنْ مَا لَمْ يَضُرُّهَا وَلَا تَحْتَجْ إِلَيْهِ. Hein, comme je disais tout à l'heure. Donc le père, il peut prendre, hein, en particulier le père seulement, il peut prendre un peu de son sadaq, si, même si elle le permet, même si elle lui donne pas la permission, tant que ça lui fait pas du tort et tant qu'elle en a pas de besoin. Parce que le prophète s'en dit, anta wa maluka li abik, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais s'il va le prendre, il veut prendre tout son argent, tout son sadaq, ou bien il lui prend alors qu'elle en a de besoin, ou bien que ça lui fait du tort. Alors là, ça, c'est de l'injustice, il n'y a pas de tort, hein, il n'y a pas de doute. Les oncles. Donc les oncles aussi viennent se servir, parce qu'ils disent, l'oncle, il a le même verdict que le père. Hein? Après, il ne lui reste plus rien, elle reste sans rien. Non, ça, c'est pas correct, franchement. Et le cheikh, il dit, « Thaniyan, yabda'u, yani... » يبدأ تمليك المرأة لصداقها من العقد كما في البيع ويتقرر كاملا بالوط أو الخلوة أو الخلوة بها وبموت أحدهما. Donc quand est-ce que la femme devient propriétaire du mahar, Hein? Il dit, ça débute à partir du contrat, hein? Comme dans le comme dans un contrat de vente, hein? Ou d'achat. Et il dit ça, et c'est quelque chose qui doit être يتقرر كاملا بالوط, c'est-à-dire une fois qu'il y a eu consommation du mariage ou bien isolement avec la fille, alors là c'est déclaré, hein? Parce que parfois, si par exemple un homme il va se marier avec une femme, il fait le contrat et qu'il se divorce avant d'avoir consommé le mariage et avant de s'être isolé avec la femme, alors dans ce cas-là il doit donner à la fille quand même la moitié du mahar. Il doit donner la moitié du mahar. On va en parler de toute façon. C'est un des points qui suivent. Et tandis que s'il s'est isolé avec elle puis qu'il divorce après, là, il doit lui donner le mahar au complet. D'accord? Non, même si. C'est-à-dire que du moment que l'homme et la femme sont isolés seuls dans une pièce, on considère que le mariage a été consommé. C'est-à-dire, même s'il n'a pas été consommé, on considère que le mariage a été consommé parce que ils ont été isolés. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on appelle al-khalwa? Donc, si l'homme est resté seul avec sa femme dans une pièce isolée, tous les deux ensemble, même s'ils n'ont pas consommé le mariage, eh bien, en principe, il doit lui donner son mahar au complet. Hein? Parce qu'on suppose qu'il aurait consommé le mariage. Il dit, وَقَدْ سَمَّ لَهَا صَدَاقًا. Donc, il dit, ثَانِيًا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ الْخَلْوَى وَقَدْ سَمَّ لَهَا صَدَاقًا فَلَهَا نِسْفُهُ. Donc, si, comme je disais tout à l'heure, il l'a divorcé avant de consommer le mariage ou avant de s'isoler avec elle, alors que le mariage avait été mentionné de façon spécifique, alors il doit lui donner la moitié. Donc supposant qu'il lui a dit, ok, j'accepte de te donner comme mahr $4,000, et il ne s'est pas isolé avec elle et il n'a pas consommé le mariage, il ne s'est pas isolé avec elle, alors dans ce cas-là, s'il divorce, il dit finalement, bon, je divorce, ça y est, je pense pas que ce mariage-là va fonctionner. Donc là, il doit lui donner quand même la moitié, c'est-à-dire 2000. D'accord? Mais en même temps, vous allez voir que il y a des choses qui vont être détaillées par rapport à ça aussi. Il dit les قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أي لكم ولهن فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 237 dans sourate Al-Baqarah, il dit, et si vous les divorcez avant de les avoir touchés. Et les ulama, ils ont spécifié ici, toucher, c'est-à-dire d'avoir consommé le mariage. Ou bien de vous être isolé avec elle. Hein? وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا. Et que vous leur avez déjà, mentionné un mahar que vous allez leur donner, telle somme ou tel montant. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Alors dans ce cas-là, vous devez leur donner la moitié, hein, de ce que vous avez prévu de leur donner. C'est-à-dire une moitié pour lui et une moitié pour elle. C'est-à-dire comme si chacun vous prenait une part, la moitié. Et ça c'est à partir du divorce. Il dit wa ayyuhuma afa li sahibihi an nisfihi minhu wa huwa ja'iz at-tasarruf sahha 'afwuhu. Il dit et peu importe lequel des deux s'excuse de sa part, ou bien dit comme par exemple, non, je te laisse ma moitié, hein, eh bien, alors dans ce cas-là, c'est permis. C'est-à-dire, il a le droit de, la femme, elle peut dire, non, donne-moi pas la moitié, tu peux le garder. Ou bien le mari, lui aussi, il peut dire, non, finalement, je te donne le mahr au complet, t'as pas besoin de me donner la moitié. Hein? Donc, peu importe lequel des deux yani désiste de sa part ou de sa moitié, yani ça c'est quelque chose qui est recommandé et conseillé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset à la suite, illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatu an-nikah. Donc, thumma raghaba fil 'afw. Faqala ta'ala wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Hein? Il dit accepter yani je trouvais le terme exact qui est mentionné dans la traduction. Hein? 37. C'est ça, versez-leur la moitié de ce que vous avez fixé à moins qu'elle ne s'en désiste. Hein? Ou que se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage, c'est-à-dire celui qui a conclu le mariage, c'est-à-dire le mari. Hein? Celui qui soit lui s'en désiste ou elle. Il dit, et le désistement est plus proche de la piété, plus proche de at-taqwa. Donc ça veut dire que celui des deux qui se désiste de sa part est plus pieux que l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a une incitation hein, à l'afou, hein, de se désister de sa part. Et là, et après, il dit, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansaw al-fadla baynakum. Hein? Wa la tansaw al-fadla baynakum. C'est-à-dire, yani, que vous vous désistiez, c'est plus proche de la piété, et n'oubliez pas, yani, la faveur mutuelle qui existe entre vous. Hein? N'oubliez pas la faveur mutuelle, le bien mutuel qui existait entre vous. C'est-à-dire, le Cheikh dit là, yansa zawjan at-tafaddul min kulli wahidin minhuma ala l'akhar. Ou min jumlati dhalika anta tafaddal al-mar'a bil-afwi an-nisf. Ou yatafaddal al-rajul alayha bi-ikmal al-mahar. وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج والأزواج إلى ترك التقصي من بعضهم على بعض. Parce que des fois, quand il y a des divorces, eh bien, les hommes et les femmes, ils ont de la rancune les uns pour les autres et de la haine dans le cœur pour l'autre par rapport au fait qu'ils se sont mal entendus ou qu'ils ont pas finalement trouvé chez l'autre qu'est-ce qu'ils attendaient, ou il y a eu des déceptions, hein. Donc là, par exemple, l'homme il va avoir du ressentiment envers la femme et la femme avoir du ressentiment envers l'homme, et peut-être les familles aussi qui vont s'en mêler, oui, qui vont venir envenimer la situation. Donc, le fait de se désister et de montrer de la miséricorde envers l'autre, ça c'est très important. Parce que, malgré tout, malgré les problèmes, malgré les disputes entre les deux ou le divorce, on reste toujours des musulmans, on reste toujours des frères. Et en islam, et des sœurs en islam, donc ça veut dire que on ne doit pas oublier ça. Des fois, j'ai remarqué, ça arrive souvent, c'est que les gens, quand ils se marient, ils oublient qu'ils sont musulmans et que sont des frères, les uns, il y en a des frères et des sœurs en islam avant d'être des époux. Parfois le comportement il laisse place à de la familiarité au point à peut-être même manquer de respect, manquer de miséricorde, hein, et le comportement islamique qui devait exister entre tous les musulmans, il disparaît pour devenir autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est pas bien, hein. Il faut toujours essayer de se rappeler de ça, de se rappeler du bien, et de toujours faire en sorte qu'il y a toujours le respect, hein, dans la relation, et la façon de se traiter de façon mutuelle, et de pas oublier ce droit qu'on a l'un envers l'autre par rapport à l'islam, du fait qu'on est des croyants, hein. Donc c'est ça. C'est ça. Donc le fait d'excuser l'autre, la femme elle dit non, écoute, t'as pas besoin de me donner la moitié. Garde-le. De toute façon, il n'y a même pas eu de mariage. Hein? Et l'homme il dit non, prends-le au complet, je te le donne, cadeau. Pour toutes les difficultés et les dérangements et tout. Hein? Donc tu vois qu'il y a une rahma, hein, entre les deux quand même, et que le but c'est pas juste de profiter de l'autre ou de sauver la scène, comme on dit, hein, gratter la scène, l'expression. Rabi'an, kullu ma qubida bi sabab an-nikah ka kiswa li abiha aw akhiha fa huwa min al-mahr. Kullu ma qubida bi sabab an-nikah ka kiswa li abiha aw akhiha fa huwa min al-mahr. Le cheikh il dit quatrièmement, tout ce qui a été reçu ou tout ce qui a été pris à cause du mariage comme vêtement pour son père ou son frère, il dit ça fait partie du mahr. Khamisan, idha asdaqaha malan maghsuban aw muharraman sah an-nikah wa wajaba laha mahr al-mithl يعني بدل الصداق المحرم أي نعم إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم. Des fois il y a des choses que les fuqaha ils mentionnent, c'est des exemples ou des cas, puis des fois c'est difficile de les contextualiser par rapport à parfois c'est des choses qui peuvent se produire, mais des fois c'est pas nécessairement, il n'y a pas d'exemples qui sont mentionnés, donc c'est difficile de les visualiser ou de les conceptualiser parfois. Donc ici le cheikh il mentionne comme cinquième point, si il lui a donné un comme sadaqa, comme mahr, il lui a donné de l'argent qui avait été exproprié ou pris de façon illégale. Hein, ou de l'argent illicite. Il dit dans ce cas-là, le mariage lui-même sera valable, mais il sera obligé de lui donner le mahr qui lui convient, hein, au lieu de ce sadar qui est haram. Donc ça veut dire comme s'il lui avait donné de l'argent ou quelque chose qui était d'une source qui était illicite ou haram, eh bien il doit lui remplacer cet argent-là par quelque chose de licite. Que ça veut dire. Mais dans quel contexte, dans quel exemple, le cheikh n'a pas mentionné d'exemple. Mais de façon générale, on peut comprendre ce sens-là. Le sixième point, qui est l'avant-dernier, il dit إِذَا عَقَدَ النِّكَاحِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ مَهْرًا صَحَ النِّكَاحِ. Ça, c'est une question que le cheikh il mentionne ici. Et cette question-là, c'est peut-être une des questions qui est plus compliquée à comprendre pour nous des musulmans qui sommes dans une société qui n'est pas musulmane, par exemple, ou bien pour des convertis. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre pourquoi. Le cheikh il dit إِذَا عَقَدَ النِّكَاحِ وَلَمْ يُجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ أو وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ مَهْرًا صَحَ النِّكَاحِ وَيُسَمَّ ذَلِكَ بِالتَّفْوِيضِ ويقدر لها مهر المثل لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أي ما لم تفرضوا لهن فريضة لحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها العدة ولها الميراث وقال له معقل بن سنان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت رواه الترمذي وغيره وصححه. Donc il dit le cheikh que si par exemple on fait le contrat de mariage et dans le contrat de mariage on n'a pas spécifié un mahr, le mariage sera valide quand même. Et on appelle ça at-tafwid. On appelle ça at-tafwid, c'est-à-dire que le mahr n'a pas été spécifié de façon claire. Il n'a pas été mentionné ou spécifié. On appelle ça tafwid al-mahr ou tafwid al-sadaq. Ça veut dire que c'est comme si on a remis le mahr à la coutume ou à la tradition ou qu'est-ce qui est habituel. Donc, comme le verset qu'on a cité tantôt, le verset 236, hein, si vous divorcez les femmes et que vous ne les avez pas touchées, ou vous n'avez pas consommé le mariage, et que, ou que vous n'avez pas yani, désigné un mahr hein, pour elles. Alors, il dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On donne à la femme le mahr, qu'on appelle mahrul mithl. Mahrul mithl, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le mahr qu'on donne aux femmes de sa classe sociale ou de son rang social ou des femmes de sa famille. D'accord? Donc, on va prendre les femmes de la famille du côté de son père, hein, qu'est-ce qu'elles ont reçu comme mahr, et puis on va établir ça comme étant la règle. Puis, on va lui remettre le mahr en tenant compte de qu'est-ce que les femmes de sa famille ont reçu comme mahr en général. Hein, ça va être ça son mahr. Et il mentionne l'exemple qui a été mentionné dans le hadith cité de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand un homme s'était marié avec une femme et qu'il n'avait pas désigné de sadaq spécifique et il n'avait pas consommé le mariage avec elle, puis il est mort. Alors Abdullah ibn Mas'ud a jugé qu'elle devait avoir le sadaq, le mahr des femmes de sa famille, le même montant que les femmes de sa famille recevaient habituellement. Et il dit elle doit faire sa idda et elle aura droit à l'héritage. Et un autre compagnon, Mi'qal ibn Sinan, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait jugé à propos de Buru', la fille de Washiq, de la même façon que toi. Il a dit ça à Abdullah ibn Mas'ud, en voulant dire que ton jugement c'était le même que celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce sens là c'est donc un jugement comme si c'est ça le jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet là et il dit ensuite le cheikh وَقَدْ يَكُونَ التَّفْوِيدُ لِمِقْدَارِ الْمَهْرِ مَعْنَاهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا عَلَى مَا يَشَاءَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَجْنَبِي فَيَصِحُ الْعَقْدُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ويقدر لها مهر المثل الذي يقدر مهر المثل هو الحاكم. Donc ici il dit le cheikh que c'est possible que le montant désigné par le mahr lorsqu'il n'a pas été mentionné par le mari, alors dans ce cas-là qu'il soit choisi par l'un des deux époux ou par un étranger, et dans ce cas-là le contrat de mariage est valide, et dans ce cas-là on va lui donner le mahr qui revient aux femmes de sa famille, comme on a dit le mahr al-mithl. Ou bien c'est le juge qui va déterminer c'est quoi le mahr de cette de par rapport à elle, et il va lui donner ça, il va déterminer la valeur de ce mahr selon les femmes de la famille de son père, hein, de ses proches, ka ummiha wa khalatiha wa ammatiha, donc sa mère, sa tante, hein, et ainsi de suite. فيعتبر الحاكم أو فيعتبر الحاكم بمن يساويها من القربة. Donc il va, le juge il va déterminer laquelle des femmes de sa famille lui est égale à elle et à son statut ou à sa situation parmi ses proches. Et il dit فيعتبر الحاكم بمن يساويها منهن القربة. يعني فالقربة في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة. Donc il dit il va prendre en considération parmi ses liens, parmi ses proches, dans son, laquelle d'entre les femmes est égale à elle dans son argent, son, يعني là, si elle est riche ou pauvre, dans sa beauté, hein, dans sa raison, dans son éducation, sa manière, dans son âge, hein, si la fille est plus âgée ou si elle est plus jeune, ça joue un rôle là-dedans. Si elle est vierge ou si elle est veuve ou si elle est divorcée. Donc tout ça va être pris en considération par le juge pour déterminer le montant qui revient comme mahr à cette fille-là. Hein? Et il dit « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَقَارِبْ فَفِي مَنْ يُشْبِهُهَا مِنْ نِسَاءِ بَلَدِهَا » Il dit « Si elle n'a pas de femme de proche, elle n'a pas de proche, comme ce serait peut-être le cas dans les femmes qui sont converties par exemple, ou qui ont pas de, ou des filles qui ont été orphelines, hein, des orphelines, ou des choses comme ça. Alors il dit ففي من يشبهها من نساء بلدها. Donc les femmes qui leur ressemblent dans le pays où elle vit ou dans la ville où elle vit. وإن فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين الأمر يقتضي الوجوب وأداء الواجب إحسان. Donc c'est ça. Donc le verset que le cheikh a cité ici, c'est le verset 236. Dans ce verset-là, donc, il y a beaucoup de règles qui sont mentionnées par rapport au mahar et au mariage et au divorce. Donc il dit, vous ne faites point de péché en divorçant avec des épouses que vous n'avez pas touchées. Hein, donc il n'y a pas eu de consommation de mariage, il n'y a pas eu d'isolement. Et à qui vous n'avez pas fixé de mahar. Donnez-leur toutefois, hein, donc là ici c'est selon la capacité, donnez-leur toutefois l'homme aisé selon sa capacité et le pauvre selon sa capacité, hein, quelques biens convenables dont elle puisse jouir. C'est un devoir pour les bienfaisants. Donc ça c'est une obligation, le cheikh dit c'est dans le sens de l'obligation et c'est une forme de bienfaisance. وَإِنْ كَانَتِ الْمُفَارَقَةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الدُّخُولِ تَقَرَّرَ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ وَوَرَثَتِ الْآخَرِ. Donc si la séparation avant la consommation du mariage c'était dû à la mort d'un des deux époux, eh bien dans ce cas-là, si c'était le mari qui est mort, eh bien la femme elle a droit au mahar des femmes de sa semblable à celui des femmes de sa famille, et l'autre elle va hériter de l'autre de son mari. Donc parce que le fait qu'on n'a pas mentionné le mahar lui-même, ça ne vient pas annuler la validité du mariage lui-même à cause du hadith qu'on a mentionné de Ibn Mas'ud qu'on a cité tout à l'heure. Il dit toutefois s'il y a eu consommation du mariage ou il y a eu isolement avec la femme et que le mahar n'avait pas été mentionné, alors dans ce cas-là, elle a droit au mahar yani semblable aux femmes de sa famille. Lima rawa Ahmad wa ghayruhu min qada' al-khulafa ar-rashidin, inna man aghlaqa baban aw arkha sitran faqad wajaba al-mahar. Donc il dit la preuve de ça, yani hein, du moment qu'il y a eu isolement, hein, et consommation du mariage ou isolement, eh bien c'est considéré comme hein, que le mahr est obligatoire à partir de ce moment-là à cause de ce que l'imam Ahmad a rapporté et d'autres également, et c'est le jugement des khulafa rachidin Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum. Ils ont dit du moment qu'une porte a été fermée ou qu'un rideau a été placé, alors le mahr devient obligatoire. Le mahar devient obligatoire. D'accord? Et il dit وَإِنْ حَصَلَتِ الْفُرْقَةِ مِنْ قَبْلِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٍ كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ أَوْ فُسِخَتِ النِّكَاحِ بِسَبَبِ وُجُوبِ عَيْبٍ فِي الزَّوْجِ. Il dit que s'il y a une séparation مِنْ قِبَلِهَا, s'il y a une séparation de son côté à elle avant qu'il y ait consommation ou isolement, alors elle n'a droit à rien de ce point de vue-là, comme si elle-même elle avait yani l'irtadat, je pense qu'ici il parle de l'apostasie, si elle elle a apostasié ou bien que le mariage a été annulé à cause de la présence d'un défaut chez l'époux par exemple. Donc elle a dit donc je me marie plus avec lui avant que le mariage ait eu lieu. Donc là dans ce cas-là, c'est pas l'homme qui elle a pas été divorcée. Hein? Là c'est elle qui a décidé que le mariage va pas avoir lieu et qu'elle veut plus se marier avec lui. Alors dans ce cas-là, elle a pas le droit à rien. D'accord? Et le mariage va être annulé si c'est à cause d'un défaut, par exemple. Donc c'est comme s'il n'y avait pas eu de mariage du tout. Il dit وَسَابِعًا, donc c'est le dernier point. لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبَضُ صَدَاقَهَا الْحَالِ لِأَنَّهَا لَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ أَرَادَتْ التَّرَاجُعَ حَتَّى تَقْبَضُهُ لَمْ يُمْكِنْهَا ذَلِكَ. Donc c'est ça. Si la femme elle dit hein, que moi je veux avoir mon mahar avant que le mariage soit consommé et avant que j'aille habiter avec mon mari, je veux qu'il me donne mon mahar. Alors dans ce cas-là, si lui par exemple il lui a pas donné son mahar, alors elle a le droit de refuser d'aller habiter avec lui jusqu'à ce qu'il lui ait pas donné son mahar. Parce que si elle part avec lui alors que lui lui a pas donné, puis qu'après elle refuse de elle veut retourner hein, jusqu'à ce qu'elle ait pris le mahar, là c'est compliqué dans ce cas-là parce que déjà parti. Mais si elle dit non, je pars pas, je vais pas habiter avec lui jusqu'à ce qu'il me donne mon mahar, donc là c'est clair dans ce cas-là, il n'y a pas de complications. Et comme je disais, à notre époque, des fois c'est mieux que ce soit comme ça, que la fille elle exige son mahar avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui attendent des fois pendant des années. J'ai connu même des situations, Allah al-Musta'an, un homme s'est marié avec une femme, il est resté avec elle pendant des années, il a eu des enfants avec elle et il n'a toujours pas donné son mahar. Et quand il a divorcé, eh bien, il n'avait toujours pas encore donné le mahar. Donc, c'est pas bon de laisser traîner ces affaires-là. Ça, c'est pas bon de laisser traîner ces affaires-là. C'est mieux d'exiger que les choses soient réglées depuis le début, comme ça, après, tout est clair. Hein? Et il dit par contre c'est possible que le mahar soit retardé, dans le sens que la femme elle dit bon ok, j'accepte que tu me donnes le mahar, je te donne une année pour que tu me donnes mon mahar, puis dans ce cas là elle accepte d'aller de rentrer chez lui et d'habiter avec lui et de commencer la vie de mariage, puis elle dit bon l'année prochaine à telle date tu me donneras le mahar, ou bien avant ça, d'ici l'année prochaine, tu me donnes mon mahar lorsque tu as la possibilité. Donc, si elle a été satisfaite de ça, elle peut plus se refuser par la suite. C'est-à-dire, elle peut pas dire non, je refuse d'aller habiter avec lui, ou je refuse que le mariage soit consommé jusqu'à ce que je reçoive le mahar. Non, elle peut pas refuser à partir de ce moment-là parce que elle a été satisfaite que le mahar soit retardé. D'accord? Donc c'est ça les règles qui ont rapport avec le mahar, d'accord? Et inshallah, on va donc s'arrêter ici, puis la semaine prochaine inshallah on continuera, ça sera sur al-walima, walimatul urs, c'est-à-dire la fête du mariage, ce qu'on appelle la fête du mariage. Donc ce sera le sujet du prochain cours inshallah. Puis l'autre sujet ensuite, l'autre chapitre, c'est yani babun fi ishrat an-nisa, c'est-à-dire comment la relation matrimoniale, c'est-à-dire la relation du mariage, comment le mari vit avec sa femme et comment la femme doit vivre avec son mari, et les règles qui ont rapport avec ça.